stars are all for me. I believe in all the stars. I believe the stars are all for me. I believe in all the stars. I believe the stars are all for me. Je fais partie de la foule. Dans les rues ça vous coule. Y'a des gens qui se traînent. Je veux pas finir dans le moule. Vite sa partie, soirée bien, non pas la peine. Je veux vivre ma vie sans passer sur les chaînes. Quand tu es là, quand tu penses à moi. Sans aller retour.